par un jeu de hasard, aux contours innombrables, j'ai déposé les armes et j'ai fui mes semblables. Traverse le temps, traverse le monde, les années que le froid inonde. Voilez nos faces, voilez nos âmes, nos visages que le temps efface. Mes bras en serre le vide et mon âme sonne le creux. Vois mes pas qui expirent, chaque jour qui passe, mon âme est lasse et mes pensées deviennent plus vagues. J'ignore le temps, j'ignore ma place. Déjà.